Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du. En ce jour, donc le 19e jour, le 18e jour pardon, du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisons la traduction du cours qui a eu lieu il y a deux jours, le 16 du mois de Ramadan, avec notre cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas al-Soudani, le Soudanais, Hafidahullah Ta'ala, qui avait pour titre, dans le sens approximatif des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps se rapprochera, les œuvres diminueront, l'avarice se répandra, le meurtre se multipliera. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu al-zaman, wa yanqusu al-amalu, wa yulqa al-shuhu, wa yakthuru al-harj. Comme on a l'habitude de faire, on va introduire cette traduction. Donc on a l'habitude de faire bien sûr la traduction à la fin de chaque allocution de nos mashayikhs. C'est la dernière fois, à cause du fait que le cours était un petit peu tard, là il commençait à 21h, on n'a pas pu faire la traduction, donc on va la rattraper maintenant, juste avant le cours de notre shaykh Muwaffaq ibn Hussein al-Jabbouri, Hafidahullah Ta'ala, qui aura lieu dans à peu près 20 minutes, à 4h, 5h, heure de Mecca, 4h, heure de France. Et donc on va profiter de ce temps pour faire la traduction du cours de Cheikh Nizar. Hafidahullah Ta'ala, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, la présentation de nos mashayikhs que nous appelons, chose qui est impérative, et toujours sur ce thème, sur la parole de plusieurs parmi As-Salaf, Ridwanallahi alayhim, parmi Muhammad ibn Sirin, Rahmatullahi alayhi, où il disait « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Donc, il est impératif pour le musulman qui respecte sa religion, le salafi qui respecte ce manhaj, de savoir de qui il apprend cette science qui est sa religion, la religion de l'islam, la religion véritable, et cette religion, nous l'apprenons d'après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs, ridwanallahi alayhim. Il est impératif donc pour le musulman qui respecte sa religion, pour le salafi qui respecte son manhaj, de savoir de qui il apprend la religion. Il n'y a pas de honte à demander. Et même pendant ces séries d'appels que nous avons l'habitude de faire depuis 6 ans maintenant, ces séries d'appels qui, comme on l'a rappelé la dernière fois et comme on a l'habitude de le rappeler au début de chaque cours, qui tend à mettre en relation les jeunes, les salafis de France avec leurs mashayikh. Je dis les salafis de France puisque à la base, ces cours sont dirigés vers les frères de France, mais on sait très bien qu'il y a des frères, hafidahumullah, qui nous écoutent à l'extérieur de la France, comme des frères qui sont au Maroc, des frères qui sont au Mali, des frères qui sont en Europe, qui écoutent et qui suivent les cours. Hafidahumullah wa waffaqahum. On a l'habitude donc de rappeler cela au début de chaque cours, le but de ces appels téléphoniques avec les mashayikhs et les savants de la da'wa salafia dans le monde entier. Pourquoi nous faisons ces appels pour mettre en relation donc les salafis avec les savants, avec leurs savants, les savants salafis qui sont sur une bonne croyance, une méthodologie saine. Nous les mettons en relation avec eux, nous leur montrons que le fait d'être en relation avec ces savants est une chose très facile. Le fait d'être en relation avec eux, d'apprendre la science directement de eux, car c'est la base, cette religion, nous l'apprenons des héritiers des prophètes. Comme les sahaba, ils ont appris ridwanallahi alayhim, cette religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, il nous convient d'apprendre cette religion de ses héritiers. Et comme il le dit dans ce hadith, innal ulama'a warasatul anbiya. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc ces savants, ce sont ceux qui ont hérité l'héritage prophétique, la science de cette religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme les Sahaba, ils ont étudié, ils ont appris leur religion auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étudions et nous apprenons notre religion auprès de ses héritiers. C'est une chose qui tombe sous le sens, qui tombe sous la raison. Et malheureusement, on voit que beaucoup de jeunes, au jour d'aujourd'hui, apprennent cette religion auprès de gens qui sont soit des gens qui sont égarés, ils l'apprennent auprès de eux, car ils ne savent pas qu'ils sont égarés, car ils n'ont pas demandé après eux, ils n'ont pas cherché à savoir qui sont ces personnes, ou soit auprès de gens qui sont inconnus, inconnus auprès des gens de science, inconnus auprès des étudiants qui étudient auprès des gens de science, et ça, ce n'est pas acceptable. Le musulman qui respecte sa religion, le salafi qui respecte son manhaj, doit faire attention, et c'est bien là la voix des pieux prédécesseurs. Comme on l'a rappelé la dernière fois aussi, cette parole de plusieurs parmi les salaf, Ridwanallahi alayhim, et parmi eux aussi Muhammad ibn Sirin, comme dans l'introduction du Sahih Muslim, du recueil authentique de l'imam Muslim, dans son introduction où il rapporte cette parole, ou dans le sens approximatif de sa parole, Rahimahullah, il disait que il n'avait pas l'habitude de demander sur la chaîne de transmission, lorsqu'une personne leur apportait un hadith, une parole dans leur religion, il n'avait pas l'habitude de demander sur la chaîne de transmission avant wuqu' al-fitna, avant que la fitna, les troubles, se produisent, se propagent dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les troubles ici, ce sont les innovations. Et il dit, donc dans cette parole, Rahmatullahi Ali, Mohammed ibn Sirin, et après que la fitna soit arrivée, il demandait, où nous demandions à propos de la chaîne de transmission, et nous disions Sammilana rijalak, Sammulana rijalakum, donnez-nous le nom de vos hommes, des hommes qui constituent votre chaîne de transmission. D'où avez-vous rapporté cette parole dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc ça, c'est une chose qui est impérative pour le musulman qui respecte sa religion, pour ce salafi qui respecte son manhaj, de savoir de qui il apprend sa religion. Quelle est cette personne qui est en face de toi, qui te donne un cours? Ce n'est pas une honte que tu demandes où a-t-il appris, qui est-il, qui le recommande, quel est son manhaj, sur quoi est-il cette personne-là? Si tu ne trouves personne pour t'en parler, pour te le dire, tu peux aller lui demander directement. Il n'y a pas de honte à cela. Et dans ces appels que nous faisons, nous avons l'habitude de rappeler au début de chaque traduction qui est cette personne, qui est ce cheikh que nous avons appelé, qui nous a dispensé un cours. Nous faisons une brève biographie, c'est quelque chose de très important afin d'éduquer les jeunes sur cette chose-là. Ne pas attendre qu'ils nous demandent, mais les éduquer, car c'est ça notre rôle. Talabatul ilm, leur rôle, c'est de mettre les jeunes en relation, ou les gens de la masse en général, en relation avec les savants, comme le disait al-Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Had al-Madkhali, Rahimahullah ta'ala, ce grand savant. Et l'ajib, la chose vraiment qui est étrange, c'est que cette question a été posée par une personne de France à l'époque. Et donc, pourquoi c'est étrange? Car c'est une chose qu'on ne retrouve pas beaucoup chez les frères de France, malheureusement. Le fait de faire attention à cela, c'est-à-dire le fait... Donc dans cette question, on lui a demandé quel est le rôle des étudiants en sciences, et le shir de répondre, rahmatullah alayh, leur rôle est de mettre en relation les gens de la masse avec les savants. C'est bien ça le rôle des étudiants. L'étudiant qui a appris la science, il met en relation les gens avec les savants, car il est impératif pour les gens de la masse de revenir vers leurs savants dans toutes les facettes de leur religion. C'est pour cela que toujours sur la base de ce verset que Allah Azza wa Jal a fait descendre dans son livre, ce verset ou ces deux versets dans son livre le Coran, où il dit tabaraka wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Toujours sur cette base, nous partons toujours de cette base, le fait que nous revenons aux gens de science et nous leur demandons lorsque nous ne savons pas. Nous revenons à eux dans l'ensemble des affaires de notre religion. Et nous essayons, à travers ces appels, de mettre en relation les gens de la masse avec leurs savants afin qu'ils obéissent à cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet ordre de revenir vers les gens du rappel, qui sont les savants. Donc il n'est pas honteux de demander qui est cette personne, qui est ce shir que qui est devant nous, qui est cet étudiant qui vient nous donner des cours, qui est cette personne qui fait la khutba, quel est son manhaj, est-ce que c'est quelqu'un de qui on peut prendre la science. Ce n'est pas honteux, au contraire, c'est une chose que as-salaf radhiyallahu alayhim avait l'habitude de faire. Barakallahu fikum. C'est quelque chose de très important, ça fait partie des bases de notre manhaj, al-manhaj as-salafi al-wadih. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de honte à demander qui sont ces savants que nous appelons. Et je vous enjoins à tous de chercher avant les appels, avant chaque appel, de chercher cette personne qui est-elle, cette personne que nous allons appeler aujourd'hui, de faire des recherches afin que tu saches de qui tu vas prendre. Bien sûr, ces mashayikhs, nous les avons déjà appelés au fur et à mesure, au fil des années, comme Cheikh Nizar, c'est le deuxième cours que nous avons fait avec lui, nous l'avions déjà eu il y a à peu près 2 ans. Cheikh Mouafak, que nous allons avoir aujourd'hui, nous l'avons déjà eu l'année dernière. Les prochains cours qui seront jeudi avec Cheikh Fouad Al-Amri, Oussam Al-Amri, nous l'avons déjà appelé 2 fois, 2 années précédentes. Cheikh Fouad, son frère Al-Amri, que nous allons avoir samedi, nous l'avons appelé déjà 3 fois auparavant, ce sera le 4e cours qu'il nous donnera, etc. Donc vous pouvez revenir même sur le site Ahl al-Dhikr, vous trouverez des brefs présentations sur ces Mashayikh en arabe et en français, hafidhahumullah. Et donc il n'y a pas de honte, comme je le dis et je le répète, et plutôt on vous enjoint à cela. Demandez, si vous demandez aux frères de Ahl al-Dhikr, vous envoyez des messages sur le site, vous envoyez un message aux frères qui vous invitent à venir écouter ces appels, demandez-leur. C'était une démarche, c'était un manhaj salafi, c'est une démarche salafi, il y a de faire cela, de demander qui est cette personne. Je ne vais pas m'asseoir à un cours si je ne sais pas qui est cette personne. Donc Cheikh Nizar, hafidhahullah, qui nous a donné ce cours qui était il y a 2 jours, je l'ai présenté rapidement, et l'audio elle est disponible donc sur la chaîne Telegram. Et le plus important dans ces présentations, pour terminer là-dessus, c'est vraiment les recommandations des gens de science pour cette personne. Car cette personne que nous appelons, ce savant ou ce grand étudiant en science que nous appelons, il peut être quelqu'un qui a étudié auprès des gens de science, qui a étudié dans des universités connues, comme en l'occurrence ici Cheikh Nizar, qui a étudié à l'université islamique de Médine, qui a pris une licence là-bas en jurisprudence, qui a étudié auprès des grands savants de son siècle. Mais cette personne peut être une personne, donc une personne qui a étudié auprès des grands savants, peut être une personne égarée au jour d'aujourd'hui, peut-être une personne qui va à l'encontre du manhaj de ces grands savants chez qui il a étudié, peut-être une personne sur qui il y a des réfutations. Donc le fait qu'il a étudié chez les gens de science, qu'il a pris la science de là où il convient de l'apprendre, c'est une première chose. Et la chose la plus importante, c'est de voir si cette personne est toujours sur ce manhaj, le manhaj salafi al-wadih, au jour d'aujourd'hui, et les recommandations des gens de science pour lui, ça c'est une chose très importante, c'est une chose impérative, et c'est une chose qui est même plus importante que son cursus, même si son cursus est une chose assez importante, et on aime à le rappeler au début de chaque traduction. Donc en l'occurrence, rapidement, vous pouvez revenir à l'audio qui a précédé, mais en l'occurrence, Cheikh Nizar, c'est quelqu'un qui est connu auprès de la plupart de nos grands savants, comme Cheikh Rabi' aussi, c'était quelqu'un, Cheikh Rabi' bien sûr, qui est Imam al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina hada, Hamil liwa al-Jarh wa al-Ta'dil. C'est cet imam, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui le connaît, qui le recommande, donc Cheikh Nizar, et à partir de là, alhamdoulillah, vous pouvez prendre la science de cette personne en étant apaisé. On trouve aussi que Cheikh Mohammed bin Hadi al-Allama Abu Anas, hafidhahullah ta'ala, le connaît, le recommande. On trouve aussi plusieurs parmi nos mashayikhs, comme notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahab al-Banna, Cheikh al-Salafiyin fi Misr, qui le connaît, qui le recommande, aussi notre Cheikh Khalid Abu Abdel A'la. Et bien sûr, ces appels téléphoniques, comme j'ai l'habitude de le rappeler, j'ai soumis bien sûr le nom des mashayikhs que j'allais appeler avant à nos mashayikhs. Donc cette chose-là constitue en elle-même aussi une recommandation pour tous ces mashayikhs que nous appelons. J'ai soumis cette liste à notre Cheikh Khalid Abu Abdel A'la. Et donc cela fait office aussi de recommandation de sa part pour l'ensemble des mashayikhs que nous appelons dans ces séries d'appels. Donc le Cheikh Nizar, hafidhahullah ta'ala, a commencé son cours en remerciant les frères et en faisant des deux A pour les frères de France, il était très content d'avoir cette rencontre avec nous par téléphone, même si elle a duré peu de temps, comme il le rappelle au début du cours. Le Shir nous dit que ce cours aura pour thème le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a rappelé ici. C'est ce hadith que nous avons pris comme titre pour ce cours, qui est dans la traduction approximative de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam: le temps se rapprochera, les œuvres diminueront, l'avarice se répandra, le meurtre se multipliera. Le Cheikh nous dit que ce hadith se trouve dans les livres de les recueils de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et le recueil de hadith authentique de l'imam Muslim, ainsi que autres que ces deux-là dans beaucoup de livres qui réunissent et qui sont les recueils et qui sont les recueils de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de chaînes de transmission différentes et avec plusieurs rajouts, c'est-à-dire que certains qui ont rapporté ce hadith avec certaines paroles rajoutées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y aura certains rajouts à ce que nous avons rappelé, et ce hadith, comme nous l'avons rappelé ici, donc la traduction approximative, ça c'est la parole qui se trouve dans qui est rapporté au prophète sallam dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Celui qui rapporte ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce grand compagnon qui est Abu Huraira radiallahu anhu. Le Cheikh nous dit que dans ce hadith il y a un signe parmi les signes de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prophétie, ou ces prophéties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncées et qui se réalisent, qui se sont réalisées, qui se réalisent aujourd'hui et qui se réaliseront. Et il y a dans cette annonce, dans cette prophétie, le fait que la vie d'ici-bas que nous connaissons se transforme et change. Et ce hadith, comme nous le dit le Cheikh, fait partie des hadiths des troubles, hadith al-fitan, qui sont appelés hadith al-fitan, les hadiths sur les troubles, ou qui ont attrait aux troubles, qui parlent des troubles. Aussi, il fait partie des hadiths qui parlent de la fin des temps, et aussi des hadiths qui parlent des signes de la fin des temps. Le Cheikh nous dit que ces hadiths nous parlent de ce qui se passera avant le jour du jugement. Et il nous dit qu'il est fortement recommandé aux musulmans de bien comprendre ces hadiths qui ont attrait aux troubles, à la fin des temps et aux signes de la fin des temps. Il est très important et très recommandé aux musulmans de bien les comprendre. Il nous dit aussi qu'il est très recommandé aux étudiants en sciences de les comprendre et de les étudier et de les mettre à leur place, la place qui leur convient, de les étudier auprès des savants, car comme nous le dit le Shir, ce sont bien eux qui vont nous expliquer ces hadiths et qui vont nous les faire comprendre de la meilleure des manières. Et comme le Shir nous le dira un peu plus tard dans le cours, que la plupart des groupes et des sectes se sont égarés lorsqu'elles ont mal compris ces hadiths qui ont attrait aux troubles, à la fin des temps et aux signes de la fin du monde. Donc le Cheikh nous enjoint de bien les étudier et de bien les comprendre, et de les comprendre à la lumière, bien sûr, du Coran, de la Sunna, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs et auprès des savants. Ce sont eux qui nous expliqueront ces hadiths. Le Cheikh nous dit ensuite que le sujet des signes de la fin des temps et de la fin du monde est profitable pour le musulman. Il lui enseigne, il en retire plusieurs enseignements qui sont, en premier lieu et parmi ces enseignements les plus importants, qu'il lui renforce sa croyance, il renforce la croyance du musulman en son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ainsi que sa croyance en le jour dernier et en l'invisible. Elle lui renforce aussi sa croyance en son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous a informé de ces signes. Et le fait d'étudier ces hadiths nous rajoute de la certitude sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le véridique et l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces enseignements et les profits, les bénéfices que nous retirons de l'apprentissage de ces hadiths, le fait que le musulman se prépare pour la rencontre de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et il renforce sa certitude sur cette rencontre, le fait qu'il rencontrera son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et il lui rajoute de la clairvoyance dans sa religion ou dans cette facette de sa religion, c'est-à-dire la croyance en ce jour dernier et ce retour vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il nous dit aussi le shirk que le fait d'apprendre c'est donc parmi ces enseignements, ces bénéfices que nous retirons de l'étude de ces hadiths, le fait que le musulman s'en remette à son Seigneur, en ayant crainte en son châtiment, en craignant son châtiment, en ayant crainte en son châtiment, en espérant sa récompense, tabaraka wa ta'ala. Et ces enseignements que nous retirons, et parmi ces enseignements aussi que nous, et ces bénéfices que nous retirons de l'étude de ces hadiths, le fait que le musulman, à la lumière de ces hadiths, il demande sans cesse son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de le préserver des troubles apparents et cachés. Et le shir nous dit, et on va terminer sur ce point-là, car c'est arrivé donc le moment d'appeler notre shir Muwaffaq Ibn Hussein al-Jabbouri pour ce cours, donc la traduction de ce cours. Le cours de Cheikh Nizar, nous le terminerons après l'appel avec Cheikh Muwaffaq. On va terminer sur ce point-là. Donc le Cheikh, après cela, après ses enseignements qu'il a tirés de ce hadith, il nous dit qu'il est impératif pour le musulman de comprendre ces hadiths qu'ils ont attrait à Al-Fitan, les troubles, ainsi que le jour dernier, à la lumière du Coran et de la Sunna, d'après la compréhension de nos propres prédécesseurs et auprès des gens de science, avec leur explication. Les grands savants, c'est eux qui nous expliquent ces hadiths et qui nous les font comprendre de la meilleure des manières, afin que nous ne nous égarerons pas, comme se sont égarés, comme l'a rappelé le Shir, la plupart des sectes, lorsqu'ils n'ont pas compris ces hadiths comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. Donc il nous dit le shirk qu'il est impératif pour le musulman ainsi pour tullab al-ilm, les étudiants en sciences, de revenir vers les gens de science, et c'est eux qui nous expliquent ces hadiths de la meilleure des manières. Il nous dit que tous ceux qui se sont égarés parmi les sectes égarées comme le khawarij et autres que eux se sont égarés lorsqu'ils n'ont pas compris le sens voulu par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths. Et on va s'arrêter ici. Le shir a commencé à parler après de cette fitna qui est arrivée dans le 20e siècle, dans le siècle dernier, à la fin du 20e siècle, dans Al-Haram Al-Makki. Et c'est une chose, comme il le dit le shirk, qui n'est pas indifférent, ou que Tullab al-Ilm connaissent très bien cette fitna qui était appelée comme fitnat al-Juhayman, cette personne égarée qui était al-Juhayman, qui a causé ces troubles dans al-Haram al-Makki. Donc c'est, le shirk n'a pas détaillé, et c'est quelque chose qui est bien connu auprès des gens de science, comme l'a dit, comme auprès des gens de science, comme auprès de, les, des étudiants en sciences, comme l'a dit le shirk, cette fitna, ces troubles qui ont été causés dans le haram al-Makki par al-Juhayman, cette personne qui était un égaré al-Juhayman. Et on reprendra dessus inshallah ta'ala après le cours de shirk muwaffaq wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.